C'est parti! C'est déjà la méga-vente Black Friday chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Robertval. Pendant tout le mois de novembre, nous sommes en Black Friday. Nous vous offrons donc des taux d'intérêt à partir de 0%, des rabais extrêmement avantageux sur tous nos produits. En plus, Jean Dumas Ford vous fait un cadeau. Recevez l'ensemble performance, pneus, roues, capteurs de pression, ainsi qu'une télé 55 pouces. Profitez avant tout le monde du Black Friday dans les trois Jean Dumas Ford de Robertval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. On va parler du Canadien de Montréal avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, d'abord, c'est quasiment toute une dégelée du Canadien 8-1 hier contre les Bruins de Boston. Ça en est quasiment drôle d'écouter, de lire sur les médias sociaux puis d'écouter ce matin la radio sportive à Québec, à Montréal, le 91-9. Les gens sont prêts à balancer tout un matin. Bergevin, Claude Julien... Et la chanteuse de l'hymne national et ainsi de suite. Là. Ouais, mais c'est sûr que, écoute, le sport est un sport, le hockey est un sport d'émotion, émotif. Ouais. À Montréal, on connaît toute l'historique du Canadien de Montréal, de ses partisans qui sont. Écoute, l'humeur des gens va souvent dépendre du rendement du Canadien de la veille. Alors, c'est sûr et certain que, il n'y a pas longtemps, dans la bonne séquence canadienne, on parlait de préparer la parade sur la rue Sainte-Catherine. Et là, ben, on parle de quasiment vendre l'équipe. Alors, c'est sûr que c'est d'émotion, mais c'est correct. C'est ça qui permet de rendre notre sport aussi intéressant. Et puis, on envoie une belle preuve ce matin là, avec la réaction là, de la plupart des gens au Québec. Mais tu sais, à quelque part, Canadien, écoute, tu sais, chaque équipe a un passage à vide année après année. Là. Au mois de novembre l'année passée, c'était la même affaire. Carey Price, écoute, Martin Leclerc a sorti les chiffres en 2016. Depuis 2016, Carey Price n'a même pas une moyenne de 900. Tu sais, ouais, mais c'est la chose qui est dangereuse, Danny, parce que depuis qu'on parle ensemble, ça fait une couple d'années, puis ça revient souvent ce sujet-là à propos du Canadien, c'est que est-ce que le Canadien est surévalué à cause de Carey Price? C'était souvent la question qu'on s'est posée. Parce que lorsque tu regardes élément par élément, là, puis tu regardes les autres équipes de la Ligue nationale, là, des équipes qui ont des Crosby, des Malkin, puis t'as des Matthews, des Marner et compagnie. Tu sais, nous, chez le Canadien, on a de la difficulté à avoir un top 6 calibre Ligue nationale. Mmh. J'adore Dano, c'est tout un joueur, c'est un bon guerrier. Mais tu sais, est-ce que c'est un top 6? On dit que c'est un joueur de troisième trio dans une bonne équipe. Oui, un excellent Gallagher, joueur de troisième trio. Gallagher, il est là dans le top 6 à cause que c'est un gars qui travaille constamment, un gars qui ne se fie pas sur son talent, mais il se fie sur son éthique de travail pour ramasser ses points. C'est un gars qui finit toujours avec quasiment autant de points de tir que de points qu'il a ramassé par match, tellement il travaille fort. Tu sais, c'est pas un talent naturel de dire dans la même classe que les top 6 des autres équipes. Alors, ça devient de plus en plus difficile pour le Canadien d'être capable de compétitionner jour après jour contre les meilleurs éléments des équipes adverses. Alors, qu'est-ce qui permettait aux Canadiens de s'en sortir? C'était souvent les performances de Carey Price qui goulait souvent de très gros matchs, qui se retrouvait la première étoile du match. Alors, présentement, Price n'est pas à la hauteur. Il a donné, je pense, 18 buts en 4 matchs ou quelque chose qui ressemble à ça. Alors, c'est sûr et certain que dans une situation comme ça, ben le Canadien ne fait pas seulement perdre, mais il subit des dégelés là, à certains soirs. Dans certains soirs. Écoute, moi, ce qui m'inquiète, c'est Jesperi Kotkaniemi. Moi, j'ai l'impression, écoute, c'est un joyau. C'était le premier choix du Canadien, troisième au total. Le gars a l'air tout mêlé. Tu fais quoi? Il y en a qui disent Laval. Moi, de tout ce qu'on a entendu, qu'on a lu, moi, la chose la plus plausible, Marc, là, qui ressemble le plus, c'est de l'envoyer avec la Finlande au championnat du monde. Il va être avec les joueurs de son âge. Il va savoir, c'est là qu'il va reprendre confiance. Ça va être probablement un des piliers de la Finlande pour le championnat du monde. Ce serait beaucoup mieux que l'envoyer dans la Ligue américaine. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi, Danny, de retourner avec des joueurs de son groupe d'âge, de retourner dans ses racines un peu, c'est avec ces gars-là avec qui il a grandi, de se ressourcer, c'est sûr et certain, Danny, que ça serait, à mon avis également, plus bénéfique pour lui. Cependant, la question qu'il faut se poser, justement, Danny, c'est que est-ce que un joueur devrait arriver dans la Ligue nationale à 18-19 ans? Moi, c'est là que j'ai mon bug. J'ai lu un article là-dessus qui était très, très, très intéressant, mais pour la version junior majeure, on parle des jeunes qui arrivent trop tôt dans le junior majeur, qui arrivent à 16 ans. Mm. Laissons les joueurs se développer et avoir du succès avec des joueurs de leur groupe d'âge. Mm. Hey, la Ligue nationale, là, tu peux être là pour 20 ans. Là. Si tu arrives à 20-21 ans, tu peux jouer jusqu'à 30, 35 ans. 35 ans, un bon 15 ans, ça te fait une belle carrière. Ouais. Là, il est arrivé à 18 ans. On s'entend, là, c'est pas un exceptionnel. Kako, parce que là, tu parles de Kako. Kako, avec les Rangers, lui, c'est un exceptionnel. Même Jack Hughes, qui a été le premier choix, de la misère avec les Devils. Là. Absolument, absolument. Non, moi, je serais pour que laissons le joueur jouer sa carrière junior. Laissons-le jouer à 17, à 18, à 19 ans. Ensuite de ça, quand il aura dominé dans ce calibre-là, on l'amène dans la Ligue nationale à 20 ans, on le développe. S'il faut qu'il passe par les mineurs un an ou deux, envoyons-le dans les mineurs. Tout dépend comment que sa préparation allait. Mais il va arriver beaucoup meilleur physiquement et mentalement à 20 ans qu'à 18 ans. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et on le voit justement avec Kotkaniemi. La première chose qu'on disait l'année passée, c'est que... Pas assez gros, ça se repente. Oui, pas assez gros, puis il n'y a pas assez d'endurance. Il va falloir qu'il prenne du poids. Il arrive cet été, il prend 10 livres. Colin, 10 livres... Même si c'est 10 livres 15, de muscle, là... By the way, c'est pas 15 qu'il a pris, mais en tout cas, c'est pas grave. Ben, 10 ou 15, peu importe, mais... Rajoute ça sur ta charpente quand ta charpente est peut-être pas capable de prendre autant de poids que ça. Tu sais, tes os sont peut-être pas encore assez développés pour prendre un 15 livres d'une shot. Puis là, tu lui demandes d'améliorer son patin, d'améliorer sa rapidité et tout. Puis tu viens de rajouter un piano sur le dos. Et, fait que c'est sûr et certain que c'est pas ça va y prendre une. Puis là, c'est la confiance que ça joue. Puis là, ça va jouer sur la tête du gars, là. Tu sais, c'est pas... T'es d'accord avec moi? Absolument, absolument. C'est là que c'est dangereux, là. Il est mêlé sur la glace parce que, son physique ne suit pas, puis son mental ne suit pas. Hein. Puis on sait que dans le monde du sport, beaucoup se joue sur la confiance. Ouais. Il faut que tu sois à ton meilleur mentalement pour avoir du succès. Puis ça, c'est... Ça, c'est bon aussi pour des gars que ça fait 10 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale. Un marqueur là, qui tombe dans une léthargie, là, je vais dire une affaire, son mental il est affecté par à peu près. Un frappeur au baseball, un frappeur au coup de circuit, quand il n'a plus confiance, là, il voit la balle arriver gros comme un 10 cents. Mais quand il est en confiance, il le voit gros comme un ballon de plage. Oui, effectivement. Alors, c'est très, très, très... La ligne est mince. Et le mental est tellement important. Puis là, on le voit que c'est néfaste dans le cas de Kotkaniemi. Ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'est passé. Hey, Bill Peters à Calgary, c'est la nouvelle dans la Ligue nationale de hockey. Écoute, je sais pas que c'est que t'en penses, toi. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Regarde, ça excuse pas ce qu'il a dit, ça excuse pas ce qu'il a fait, mais le gars, ça fait 10 ans, là. T'sais, ça fait 10 ans qu'il puis s'il était dans la Ligue américaine de hockey, c'est pas la même affaire que s'il serait avec les Hurricanes de la Caroline. Tant qu'à ça, comment que de coachs qui ont dit des affaires à des joueurs, tant qu'à ça, ça me fait penser, et il y a beaucoup de monde qui disent, puis c'est à juste titre ou à MeToo, là. T'sais, faut en prendre dans la laisser de tout ce qui se dit, là. Mais là, ça semble une mode, là. Je sais pas ce que t'as. Ben ouais, moi aussi, je trouve que là, tu sais, à un moment donné, là, c'est. Pas charrier, là. T'as dit exactement la bonne chose, c'est que là, on est en train de faire un MeToo du hockey, là. Ouais. Écoute, je dis pas que c'est correct, je défends absolument pas les méthodes qui ont été employées, les mots qui ont été employés dans certains cas. Mais moi, je peux te dire, dans mon temps, là, oui. Puis ça a été ça, on passait par là, puis pas seulement par les coachs, mais par les joueurs. Tout le monde nous disait n'importe quoi. Alors, si je commence à dire, à aller dénoncer, moi, tous ceux qui m'ont appelé Frog parce que j'étais un Québécois, ceux qui vont traiter de toutes sortes de noms. On n'a pas fini, là. Regarde, je vais poursuivre la moitié des joueurs de la Ligue nationale contre qui j'ai joué, puis du junior. Là. C'est à un moment donné, est-ce que les méthodes sont bonnes? Non. Mais il n'y a pas des cas, tu sais, mais faire la liste à Mitch Marner de savoir. Ça, c'est peut-être pas correct, ça, par exemple. Parce que moi, je vais te dire d'affaire. C'est pas correct, Danny. C'est pas correct de le dire. C'est pas correct de dire que c'est Marner qui a dit ça des joueurs. Mais il y a des coachs, tout le monde a amené un coach, a amené un joueur dans le vestiaire, t'es leader, puis tu dis, bon, qu'est-ce qui marche pas, les gars? Ouais. Quel joueur y non, mais c'est le placer dans une mauvaise situation, par exemple. Le jeune, le 19 ans, ouais. Le jeune, lui, c'est pratiquement un abus de pouvoir. Le cas de Mitch Marner puis de Mike Babcock, c'est totalement différent. C'est presque un abus de pouvoir, là. C'est un abus de pouvoir, mais ça se fait tellement. N'importe quelle entreprise. Ouais. Toi, Danny, t'as une entreprise, là, puis t'as 200 employés, là. Mm. OK? Puis à un moment donné, ça va pas bien dans ton entreprise. C'est sûr qu'on fait des erreurs. Il y a un malaise qui se passe dans ton entreprise. Qui c'est que tu vas appeler? Tu vas appeler tes hommes de confiance, tu vas appeler tes meilleurs employés dans le bureau, tu dis là, il se passe de quoi? Moi, je suis pas là, c'est toi, mes yeux, qui c'est qui se passe? Ça arrive souvent, ça, qu'un dirigeant d'entreprise va appeler ses employés de confiance, mais il va dire, hey, c'est quoi qui se passe? Y a-tu des pommes pourrites à travers l'entreprise? Y a-tu des gars qui font pas le job? Y a-tu des gars qui volent? Y a-tu des gars qui travaillent pas? Dis-moi-les parce que c'est pour le bien de l'entreprise. Ça se produit n'importe où, dans n'importe quelle sphère. Mais Marner était plus jeune, là. C'était pas une question. Là. Marner, c'était pas le leader là, actuellement. C'était pas ce qui était. C'est quand il est arrivé dans l'instant que ça s'est produit, Marc. Qu'est-ce qui est arrivé qu'il a demandé ça, Marner? Oui. Oui. Oui, donc quand tu arrives dans la Ligue nationale, c'est le gars, il est jeune, il veut obéir à son coach. Danny, ouais. Il n'y a pas d'âge pour se faire. Pour une. Là, tu parles d'un abus de pouvoir. Il n'y a pas d'âge pour de l'abus de pouvoir. Non, c'est l'abus de pouvoir, là, c'est une personne qui a le pouvoir, qui demande quelque chose à une autre personne, peu importe l'âge qu'il a. Fait que là, c'est pas d'excuser parce que là, vu qu'il était rendu dans la Ligue nationale, c'est moins pire. C'est que ça revient peut-être, par exemple, on peut peut-être parler du problème que je te disais tantôt, d'arriver trop jeune dans la Ligue nationale. Quand tu arrives à 18-19 ans, t'as pas la même réflexion que tu vas avoir à 25, 26 ou à 30 ans. Ouais. Alors c'est là que, tu sais, on peut débattre de ça jusqu'à demain, Danny, sur ces affaires-là. Mais comme tu dis aussi, il faut moi, je pense que c'est du cas par cas. Je suis pas au courant comme il faut du cas de Peters, là, c'est quoi exactement qui a été dit, qui a été fait et dans quel temps. Moi, tant qu'il n'y a pas eu d'abus physiques ou des choses, c'est sûr que mental, c'est pas mieux non plus, là, je suis d'accord avec ça. Mais il faut justement peser les mots qui ont été dits à l'époque, puis savoir est-ce que c'était aussi grave, là. Oui, c'est ça. Exactement. C'est v'là 10 ans aussi. C'est pas en 2019, ça vient pas de se produire. Là. Je trouverais ça fort que Peters perdrait sa job. Moi, je pense que ce serait peut-être juste un prétexte parce que les Flames, ça va pas bien. Ça livre pas la marchandise du tout. C'est peut-être juste. S'il perd sa job, c'est peut-être juste un prétexte aussi. Là. Ben, c'est sûr et certain. On voit toujours. C'est dans l'adversité, Danny, qu'on voit comment qu'une équipe est unie puis comment que ça se passe bien. Parce que tu penses-tu que. Dans toutes les équipes, là, c'est simple et ça se passe bien. Non. Quand ça va bien, on cache les problèmes. Mais quand ça va moins bien, ben là, on commence à les sortir. Puis des fois, ben, ça fait un mois, ça fait un an, ça fait 10 ans. Il semble qu'on se préoccupe pas du temps lorsque ça va pas bien. Tu penses-tu que Babcock va revenir? Moi, je pense que oui. C'est une question. Quand c'est un country club, là, c'est les entraîneurs. Là, et Babcock fait partie du country club. J'imagine, puis là, tout ce qui sort actuellement, j'imagine qu'avec le temps, ça va s'arranger. Babcock va changer. Qui aurait dit que John Tortorella aurait revenu et s'est assagi? Non, et puis Mike Keenan. Mike Keenan, effectivement. Kenny Hitchcock. À la base, Babcock, je pense que c'est un bon entraîneur. Maintenant, on va laisser retomber la poussière de ces affaires-là. Est-ce que, hey, je vais te dire une affaire, là, moi aussi, là, si on commençait à parler des coachs qu'on n'a pas aimés, là, on aurait une liste, tout le monde a une liste de coachs qu'on n'a pas aimés à faire. Là. Ouais. Fait que là, que si on laisse la tribune à tous ceux qui n'ont pas aimé Babcock dans leur carrière, à un moment donné, ça devient ridicule là, parce que on peut le faire avec tous les entraîneurs, même si c'est le meilleur entraîneur au monde. Tu parlais de Scottie Bowman qui a été un des bons entraîneurs à l'époque. Si tu faisais le tour de savoir combien de joueurs du Canadien qui ne l'ont pas aimé, là, hey, je pense que ouais, la Mario, liste c'est très longue. Longue, c'est très très longue. Mais c'est une autre époque là aussi. Là, ben oui. Ouais. Non, mais on peut transporter ça à l'époque d'aujourd'hui. Là, ouais, ouais, ouais. Je suis sûr que tu parles de choses à Tampa Bay. Quand Cooper. Que Cooper, là, ça nécessite de bon coach, là, mais je t'annonce, moi, que demain matin, il est congédié, puis qu'il fait le tour des joueurs qui ne l'ont pas aimé, puis tu vas en avoir une gang qui ne l'ont pas aimé. Là. C'est normal. Ouais, c'est normal. Un joueur qui joue, un entraîneur, il arrive. Toi, tu joues 25 minutes par game, tu as un nouvel entraîneur qui arrive et te fait jouer 15 minutes par game. Je t'annonce tout de suite que tu n'aimes pas. Là. Non, c'est sûr. Marc, toujours intéressant, on s'en parle bientôt. Parfait, collaborateur Marc.